peux me concentrer en fait plutôt sur la période de la guerre d'Algérie à proprement parler. Déjà parce que c'est une période où il y a beaucoup de choses à dire, et beaucoup de leçons à tirer. Ça va largement nous occuper pour cet exposé. Mais également parce que pour comprendre la situation actuellement en Algérie, il est nécessaire de revenir sur l'indépendance en fait de ce pays et sur cette période de conflit. Puisqu'en effet, la guerre d'Algérie, c'est un événement clé en fait pour comprendre l'histoire contemporaine de l'Algérie, mais également de la France. Donc cette période de guerre, elle dure de 1954 à 1962. Et en Algérie, la fin de la guerre, là de la guerre, marque son indépendance. Mais c'est un conflit qui a, pour l'Algérie, causé des centaines de milliers de morts, conduit au déplacement de millions de paysans et profondément déstructuré l'économie. Au sortir de la guerre, le FLN, donc le Front de Libération Nationale, prend le pouvoir et s'impose comme le seul héritier du nationalisme algérien et le seul représentant du peuple. Il va également écraser en fait l'ensemble des particularismes propres à l'Algérie, notamment les revendications du peuple kabyle par exemple, et mettre en place un régime de parti unique qui durera jusqu'en 1989. La France est également profondément marquée par cette guerre, à la différence des autres guerres coloniales auxquelles la France a été confrontée, notamment l'indépendance du Maroc ou de l'Indochine, donc le Vietnam. Donc la France est profondément marquée, notamment parce qu'on a des appelés qui vont participer massivement à ce conflit. On estime qu'il y a environ 2 millions de soldats qui ont participé à cette guerre entre 1955 et 1962, soit en fait la quasi-totalité des jeunes en âge d'être appelés à servir dans l'armée, puisque je rappelle qu'à cette période, il y a encore le service militaire en France. L'autre chose importante du côté français, c'est que la guerre d'Algérie donne naissance en fait à la 5e République, qui est toujours en activité actuellement. Et ce régime, donc de 5e République, il reste profondément marqué en fait par les conditions de sa naissance, par les troubles qui ont marqué sa naissance, notamment par une présidence autoritaire, c'est toujours le cas actuellement sous la 5e République, ou encore une politique étrangère militariste, notamment en Afrique, vers les anciennes zones qui correspondaient aux colonies françaises. Également, je pense que c'est important de le mentionner, l'ombre de la colonisation, et particulièrement de la guerre d'Algérie, plane toujours sur les polémiques liées à l'islam, à l'intégration des populations issues des anciennes colonies françaises, mais également l'immigration en général, polémique que la classe dirigeante utilise à chaque période de troubles sociaux. Récemment encore, il y a quelques mois, on a eu le droit dans les médias à une offensive sur la question du voile qui était agitée pour masquer la fin du mouvement des Gilets jaunes et les troubles sociaux qui venaient après avec les réformes de Macron. Mais ça, c'est une grande habitude de la classe dirigeante française d'agiter ces questions d'immigration, d'islam, pour occulter la situation sociale et tenter de diviser la classe ouvrière. Plus concrètement, la guerre d'Algérie, la conquête coloniale en Algérie commence très tôt, en 1830. À titre de comparaison, c'est un peu une anecdote, mais la Savoie, par exemple, n'est française que depuis 1860, donc c'est une conquête coloniale qui commence extrêmement tôt dans l'histoire française. Et cette conquête, elle se traduit par une dépossession foncière, une dépossession des terres des Algériens au profit des colons. Ça donnera lieu notamment à de grandes révoltes au cours du 19e siècle, je ne vais pas trop développer, des révoltes massives qui seront toutes sévèrement réprimées par le pouvoir colonial. À la différence des autres colonies françaises, l'Algérie est une colonie de peuplement, et ça a son importance. En 1954, à la veille de la guerre, on estime qu'il y a environ 1 million de colons européens sur une population totale de 10 millions d'habitants. Et donc on a une volonté des gouvernements successifs de massifier en fait cette population européenne, puisqu'ils veulent en faire une colonie de peuplement, de massifier cette population même par des moyens artificiels, avec par exemple le décret Crémieux en 1870, qui déclare que tous les juifs algériens, qui sont pourtant installés depuis des siècles, parfois depuis l'Empire romain, aux côtés de leurs concitoyens musulmans, deviennent du jour au lendemain citoyens français. La stratégie, c'est de massifier donc artificiellement cette population, mais c'est également en fait de mener la vieille tactique de diviser pour mieux régner la population en Algérie. Cette population coloniale, elle a des origines diverses, des fonctionnaires, des militaires, beaucoup de Français pauvres, mais également d'Espagnols, d'Italiens, pauvres également, qui ont quitté leur pays pour s'installer dans cette colonie en Algérie, mais également des Alsaciens-Lorrains exilés à partir de 1870, voire même des communards déportés en 1871. Et cette population européenne, à la veille de la guerre, elle est majoritairement composée de petits fonctionnaires, d'artisans, de commerçants, mais aussi d'ouvriers. Donc ce ne sont clairement pas tous des grands colons. Au contraire, la plupart de cette population européenne a un niveau de vie inférieur en moyenne de 20% à la métropole. En fait, on a une population de pieds noirs. Donc, pieds noirs, c'est comme ça qu'on appelle, qui a été appelé, c'est un peu péjoratif, les colons européens en Algérie. Donc une population de pieds noirs qui est prolétarisée en Algérie. Ces colons, ils sont également principalement installés dans les grandes zones urbaines, à Alger par exemple. Et les musulmans, de leur côté, ils restent des indigènes, entre guillemets. Ils ne seront jamais en fait considérés, ils n'ont jamais été en fait considérés comme des citoyens, comme les autres, comme des citoyens à égalité avec, par exemple, les Français de la métropole. C'est que cette population musulmane, elle est soumise en fait à une justice spéciale, notamment des punitions collectives. Elle n'a pas le droit de vote, sauf dans des collèges spéciaux et uniquement pour les conseils municipaux. Mais de toute façon, ce n'est pas très important puisque les élections sont régulièrement truquées par le gouvernement français, ce qui explique aussi qu'il n'y a pas d'intérêt vraiment, une méfiance de la population indigène envers le pouvoir en place. Ils se rendent bien compte que les dés sont pipés à ce niveau-là également. La population indigène, elle peut être également soumise à des travaux forcés, etc. À la veille de la guerre, l'économie de l'Algérie, elle se caractérise par le développement d'une bourgeoisie coloniale blanche, très dépendante de la métropole, avec peu d'industrie, une économie qui repose surtout sur l'agriculture. Et en définitive, on a une poignée de grands colons qui règnent sur l'Algérie, littéralement, qui possèdent les grands domaines agricoles, les usines qui existent, des usines qui emploient des milliers de personnes, par exemple des usines de ciment, et qui détiennent l'ensemble des journaux, des principaux titres de presse en Algérie. Et en parallèle du développement de cette bourgeoisie coloniale blanche, on a le développement d'un prolétariat colonial indigène. Au moment de la guerre d'Algérie, la grande majorité des Algériens, donc musulmans, vivent dans la pauvreté, sont frappés durement par le chômage. Pour donner quelques chiffres, un chiffre qui est assez parleur, 16% seulement des enfants sont scolarisés à la veille de la guerre d'Algérie. Et on a une absence criante d'infrastructures médicales, d'écoles, etc., en dehors des grandes villes où vivent les colons. Pour organiser du coup cette masse de travailleurs qui se prolétarise, cette prolétarisation des indigènes, le PCELF, suivant en cela d'ailleurs la ligne de l'international communiste, va impulser la création d'une organisation, l'Étoile nord-africaine, qu'on appellera ENA, en 1926, dont l'un des dirigeants les plus connus sera Messali Hadj. Cette étoile nord-africaine, elle est membre de l'Union intercoloniale, qui est créée directement par le Parti communiste français, qui a pour objectif de rassembler l'ensemble des travailleurs immigrés et des étudiants venus des territoires colonisés par la France, afin de les former politiquement à la lutte anti-impérialiste. Ce qui fait qu'on a, parmi les colonies françaises, mais y compris l'Indochine, on a beaucoup en fait d'expatriés, d'immigrés, qui vont venir en France étudier et se former en fait dans les universités françaises, où ils vont être notamment mis en contact avec les idées socialistes, avec les traditions intellectuelles et ouvrières en France. Et là, cette création de cette union intercoloniale, elle suit également aussi une volonté au début de l'international communiste de soutenir les revendications des peuples qui se battent pour l'indépendance de leur pays. L'ENA est finalement dissoute en 1929, puis elle sera reconstituée et à nouveau dissoute par le Front populaire en 1937. Le Parti communiste ne proteste pas, ce qui entraîne définitivement sa rupture, enfin, du moins, ce qui entraîne la rupture des mouvements indépendantistes, et notamment de l'Étoile nord-africaine, avec le PCF. Et en fait, sur toute cette période, on a une politique du Parti communiste, mais suivant cela, en fait, la politique générale même de l'Internationale communiste, qui va commettre zigzag sur zigzag, qui va faire de nombreuses erreurs. Première erreur, on va très vite avoir une volonté, en fait, de soumettre la lutte des peuples indigènes à leur bourgeoisie nationale, qui, dans la réalité, n'existe pas, et donc, en fait, à la petite bourgeoisie de ces pays. Alors que ce qu'il aurait fallu faire, ce qui aurait dû être le mot d'ordre du Parti communiste à cette époque-là, et même de l'International communiste dans son ensemble, c'est de mettre, pour la situation algérienne, le prolétariat algérien à la tête du mouvement de libération nationale en lien avec la lutte des travailleurs en France sous le mot d'ordre, par exemple, de Algérie socialiste et France socialiste. Autre erreur commise par le Parti communiste, ça va être de trahir finalement les revendications indépendantistes. Et la politique du parti va connaître un certain nombre de revirements, notamment en 1936. Le Parti communiste se rallie au Front populaire en France, et donc avec la bourgeoisie, donc se rallie en fait à la bourgeoisie française, ce qui entraîne une rupture du Front populaire, quelque part, avec la petite bourgeoisie algérienne. Et on a en fait un abandon de la part du Parti communiste français des revendications indépendantistes en Algérie, mais ça correspond également en fait à la ligne de l'ensemble de l'Internationale communiste qui va abandonner la politique de ses débuts de soutien effectif au combat indépendantiste. Qu'est-ce qui explique notamment en France cet abandon de la lutte et du soutien, cet abandon du soutien à la lutte pour l'indépendance? C'est tout simplement un parti communiste qui ne veut pas froisser en fait les socialistes et les radicaux, qui eux sont hostiles fondamentalement à l'indépendance des différentes colonies françaises. Après la dissolution de l'ENA, Messali Hadj crée le Parti du Peuple Algérien, le PPA, qui poursuit globalement les mêmes objectifs que ceux de l'Étoile nord-africaine, c'est-à-dire une émancipation et une autonomie totale de l'Algérie au sein de la République française, mais le PPA ne revendique plus expressément l'indépendance totale du pays. En fait, ils veulent plus une coopération avec la France, mais il n'y a plus cette revendication centrale de l'indépendance. Je peux prendre de l'eau ? Vas-y. En 1945, ont lieu partout en France, mais également en Algérie, d'importantes manifestations pour fêter la victoire des Alliés face à l'Allemagne nazie. Manifestations qui sont également très importantes en Algérie. Et à l'occasion de cette grande manifestation de 1945, on a également une manifestation en parallèle pour les droits politiques des indigènes, donc une grosse manifestation qui a lieu à Sétif. D'ailleurs, il est important de souligner qu'une grande partie, que la France a utilisé énormément en fait a puisé en fait dans ses colonies pour vaincre l'Allemagne, qu'elle a envoyé au front, notamment par exemple, je sais pas, la bataille des Ardennes par exemple, a utilisé massivement par exemple des Algériens pour mener le combat durant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, en 1945, au cours de cette manifestation pour les droits politiques des indigènes, des heurts éclatent. Ça conduit à des tirs. Un jeune musulman est tué. S'en suivent des tueries contre les Européens, puis des représailles. Une centaine d'Européens environ sont tués. La répression, elle fera entre 15 000 à 20 000 morts. Ce massacre, il marque profondément, en fait, les militants qui formeront plus tard le FLN, mais également l'ensemble du mouvement indépendantiste algérien. Le Parti communiste français, lui, appuie en fait la répression. Il dénonce des agents provocateurs indépendantistes faisant le jeu de la bourgeoisie. Et l'UMA parle même de l'existence d'agents hitlériens parmi ces provocateurs. En 1947, le PPA devient le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, le MTLD. Puis en 1954, Messali Hadj crée le Mouvement National Algérien, le MNA, mouvement qui est officiellement socialiste, mais qui reste revendicatif dans le cadre légal et républicain. Ces mouvements indépendantistes, pour un peu comprendre un peu leur visée politique, ils mélangent en fait des éléments de théorie socialiste avec des éléments nationalistes et islamiques, c'est-à-dire de défense de l'islam, de la culture algérienne. Et le 1er novembre 1954, quelques mois à peine après la défaite écrasante pour l'armée française à Dien Bien Phu, a lieu un événement capital qui va lancer en fait la guerre d'Algérie, même si on peut déjà voir les prémices de cette guerre dans les manifestations de Sétif. Donc a lieu un événement capital qu'on appellera la Toussaint Rouge. Des dizaines d'attentats sont perpétrés contre des infrastructures militaires et industrielles. Ces attentats sont menés par de jeunes gens issus du PPA et du MTLD. Ils revendiquent ces attentats au nom d'une organisation jusque-là inconnue, le FLN, le Front de Libération Nationale. En l'absence d'une direction prolétarienne, et on comprend pourquoi au vu des erreurs faites notamment par le Parti communiste en France et du coup son incapacité à organiser les travailleurs en Algérie, c'est cette organisation en fait qui va prendre le dessus. Elle se base en fait sur un programme qui prône l'unité du peuple algérien sans distinction de classe. Et le FN s'appuie sur la population algérienne qui se révolte contre les oppressions que lui inflige la France. Le FLN s'appuie notamment également, au niveau de sa base de classe, sur la paysannerie, qui est majoritaire à cette époque. Et grosso modo, la doctrine du FLN, elle se situe à l'intersection de deux grands projets, celui du mouvement socialiste, dont une grande partie de ses cadres ont été formés en France, mais également celui de la tradition islamique. Contrairement à leurs aînés des années 30, notamment ceux qui ont formé le PPA, le MTLD, etc., notamment par exemple Messali Hadj, les jeunes cadres du FLN sont à la recherche de raccourcis politiques. Et c'est ce qui prédomine en gros leur analyse de la situation. Le lent travail collectif patient pour organiser les masses leur apparaît dépassé. Et à la mobilisation de ces masses, ils préfèrent en fait la tactique de la guérilla, la tactique du terrorisme également individuel. L'ensemble des autres forces indépendantistes, elles vont finir par graviter simplement autour du FLN, y compris par exemple le Parti communiste algérien. Et elles finiront en fait, toutes ces forces, par être absorbées par le FLN. Et cette absorption, elle se fera par la force, concrètement, avec notamment une lutte interne au sein du mouvement nationaliste qui prendra des formes extrêmement violentes, avec des massacres, parfois même de villages complets, des assassinats, des milliers même d'assassinats, sur le territoire algérien, mais également sur les territoires français. Les messalistes, donc les partisans de Messali Hadj du MNA, seront par exemple liquidés par le FLN. Face aux attentats, Mitterrand, qui est alors ministre de l'Intérieur dans un gouvernement auquel participe la SFIO, rappelle que pour lui, l'Algérie, c'est la France, et rappelle en fait sa détermination à maintenir l'Algérie dans le giron français et sa détermination à faire respecter l'ordre en Algérie. La position de cette époque de la SFIO, elle se caractérise en fait par... La position de la SFIO qui participe à cette époque au gouvernement du radical socialiste Manès France, elle se caractérise par une défense d'un colonialisme libéral, laïque, antinationaliste, et qui s'appuie en fait sur des réformes sociales soutenues si besoin par la répression. Pour rappel, la SFIO, c'est ce qui donnera plus tard le Parti socialiste, et historiquement, il y a une scission dans le mouvement ouvrier français dans les années 20, où on a la majorité de la section française de l'Internationale ouvrière, donc SFIO, qui suit en fait la création de la Troisième Internationale et qui fondera le Parti communiste, donc c'est la majorité qui quitte et la minorité qui reste et qui garde le nom de SFIO et se transformera plus tard en Parti socialiste. La SFIO a également en fait, c'est elle qui a mené aussi la guerre en Indochine, pour rappel un peu de la situation. Le PCF de son côté, il condamne le recours à des actes individuels susceptibles de faire le jeu des colonialistes. Pourtant, clairement, en Algérie, à cette période, il ne s'agit pas simplement d'actes isolés et individuels, le climat étant fondamentalement insurrectionnel. Suite aux événements du 1er novembre, donc de la Toussaint Rouge, le MTLD est dissous, ce qui profite directement au FLN, puisqu'il va accueillir en fait les militants de cette force également indépendantiste qui vont passer dans l'illégalité. Le 20 août 1955, à l'instigation du FLN, des milliers de paysans algériens se soulèvent et se lancent à l'assaut des grandes villes. 10 ans après le soulèvement de Sétif, on retrouve la même colère et la même rage de la part des paysans pauvres algériens. Au cours de l'émeute, de nombreux Français et musulmans sont tués. On compte environ 123 morts, dont 71 colons européens. Et comme en 1945, la répression est terrible. On compte environ 12 000 morts suite à la répression de l'armée, mais également des milices européennes qui sont créées et qui tirent à vue sur la population musulmane. À ce moment-là, en 1955, la guerre entre dans une nouvelle phase. C'est la fin du mythe du maintien de l'ordre, la fin du mythe des événements en Algérie, l'euphémisme qui est utilisé, puisque pendant longtemps, le gouvernement n'a pas voulu parler de guerre en Algérie. Donc, c'est la fin de ce mythe, et progressivement, carte blanche va être donnée à l'armée. À cette période-là également, le conflit s'internationalise. Il est mis à l'ordre du jour de l'ONU, c'est quelque chose d'assez important, puisque je vous le rappelle, on est en pleine situation de guerre froide. Donc, ce qui se passe en Algérie va intéresser tant l'URSS, mais également les États-Unis. On pourra peut-être le développer après dans la discussion. Je n'ai pas trop rentré sur la position tenue par les États-Unis durant cette période. Enfin, à ce moment-là, 60 000 jeunes Français sont rappelés sous les drapeaux, ce qui va donner lieu à des mouvements de contestation en France, à des grèves, à des actions de sabotage contre l'envoi du contingent en Algérie et contre le rappel de ces 60 000 jeunes Français. Puisqu'en fait, durant ce service militaire, normalement, une fois que le service est fini, c'est fini. Là, on rappelle des gens qui avaient déjà effectué leur service militaire, qui sont rappelés sous les drapeaux pour aller intervenir en Algérie. Et du coup, à partir de cette date, en 1955, la violence sera croissante de la part du gouvernement français et introduit en Algérie la notion de responsabilité collective, l'utilisation de représailles contre les civils, le transfert massif de population, le recours à la torture, au viol, etc. Et parallèlement à ces mesures de répression extrêmement brutales, le gouvernement va mettre en place des mesures visant à moderniser l'Algérie en construisant des infrastructures, etc., en mettant en place des réformes pour améliorer le quotidien des populations indigènes, en menant une politique d'intégration de ces populations, et également développement des droits sociaux et politiques. L'objectif, c'est à la fois de manier la répression et également, par ces mesures de réforme, de contrer en fait la propagande et les idées des nationalistes algériens, et également de servir de propagande pour le gouvernement français. Le problème, c'est qu'il est déjà clairement trop tard et toutes ces mesures ne serviront à rien. En 1956, la SFIO, toujours au pouvoir, va déposer un projet de loi habilitant le gouvernement à prendre toute mesure exceptionnelle en vue du rétablissement de l'ordre. Mitterrand signera d'ailleurs ce projet, ce projet de loi. Le Parlement vote à sa très grande majorité cette loi, qui entraîne la disparition pure et simple de la plupart des garanties concernant les libertés individuelles en Algérie. Également, progressivement, l'armée va se voir transférer un grand nombre de responsabilités administratives, ce qui lui donne une énorme marge de manœuvre et de plus en plus de liberté d'action. Le Parti communiste va voter la loi avec l'ensemble de la gauche parlementaire. La tactique du PCF, c'est de ne pas froisser la SFIO, avec qui il va continuellement rechercher des alliances, en espérant en fait retourner au gouvernement, sachant qu'il en a été exclu en 1947. Le FLN, de son côté, continue ses attentats, en Algérie mais également en France, ce qui va contribuer à dresser aussi la population métropolitaine contre l'indépendance en Algérie. Au final, fin 1956, la guerre a vu les effectifs de l'armée exploser et la répression a poussé des milliers d'Algériens à prendre le maquis. En décembre 1956, à Alger, un porte-parole virulent des petits colons est assassiné. Des ratonnades ont lieu contre les musulmans par les colons. Et le gouvernement décide de pacifier la ville. C'est le début d'un événement important de ce conflit qu'on appelle la bataille d'Alger, qui en réalité est une opération policière menée directement par l'armée. Dans des stades, des bars, des cafés, des dancings, des arrêts de bus, le FLN commet des attentats qui tuent des dizaines de civils européens, mais aussi des musulmans. Des lynchages ont lieu par la population européenne. L'armée réagit en menant des rafles massives. Des familles complètes seront raflées. On estime qu'il y a environ, rien que pour l'Alger au cours de cette bataille, 24 000 arrestations et des milliers de disparus qui ne reviendront jamais et où l'armée même ne dira jamais ce qu'ils sont devenus. À ce moment-là, la torture est utilisée massivement et elle est justifiée par les autorités pour lutter contre le terrorisme du FLN. À cette période, le FLN va également appeler à une grève générale à Alger, notamment des commerces, c'est-à-dire de fermer en fait les rideaux, de faire des commerces. Et très rapidement, la grève est brisée en 2 jours par l'armée française. Finalement, la bataille d'Alger sera gagnée par la France. Le FLN est démantelé à Alger, mais il se reconstitue quelques mois plus tard. Cette période voit également le retour en France des premiers appelés. Et avec leur retour, les témoignages sur la torture se multiplient, malgré la censure. Des révélations en cascade éclatent. Deux affaires célèbres et extrêmement connues, notamment la torture du journaliste Henri Alleg, qui est un communiste algérien, qui a écrit notamment le livre La Question, qui va massivement se diffuser malgré sa censure immédiate, et également la disparition de Maurice Audin, mathématicien et membre du Parti communiste algérien. Cette utilisation de la torture, elle va profondément impacter l'opinion dans la métropole, jusque dans les rangs de l'armée. Il faut aussi comprendre qu'à cette période, la guerre, la Seconde Guerre mondiale et l'utilisation de la torture par la Gestapo, par le régime de Vichy, est encore quand même dans les têtes, beaucoup l'ont connu, ce qui explique aussi l'impact que vont avoir ces révélations de la torture sur le territoire français. Et on retrouve même un général qui va démissionner, refusant, ayant lui-même été torturé, de participer à ces actes. En mai 1958, la petite bourgeoisie coloniale blanche s'insurge à Alger. Elle est rejointe par l'armée. Le 13 mai a lieu d'importantes manifs de pieds noirs en Algérie, mais également en France. À ce moment-là, des comités de vigilance sont créés, qui regroupent tout un tas de gens disparates très sympathiques. On y retrouve d'anciens du régime de Vichy, des néo-fascistes, des criminels, des pétainistes, et après plus largement des partisans durs de l'Algérie française. Très rapidement, les colons, alliés à l'armée et à la police, prennent le contrôle de l'Algérie. Se forment des comités de salut public, à Alger notamment, qui demandent la formation d'un gouvernement de salut public. Ce sont des généraux qui sont à la tête de ces comités. On a affaire en fait à un mouvement insurrectionnel par l'armée qui se développe en Algérie, mais également en Corse. Pareil, des comités de salut public vont apparaître, vont pousser, un peu comme des champignons, en Corse également. À cette période, le gouvernement ne contrôle plus rien. Pour rappel, c'est un régime parlementaire assez fragile, très instable, avec beaucoup de changements de gouvernement. Et de leur côté, les partisans de Gaulle agitent la menace d'un coup d'État de l'armée et la menace également d'une guerre civile. Ces événements conduisent le gouvernement français à réagir en votant l'état d'urgence en métropole, état d'urgence qui sera voté également par le PCF, ce qui est une grosse erreur, puisque au final, ça en revient à appeler l'état capitaliste à agir contre les insurgés pour éviter ce coup d'état. Le PCF, en cela, oublie complètement que l'état est constitué d'un corps d'hommes armés dont les chefs sont placés à ces postes en raison de leur loyauté envers le système capitaliste. Ce qui fait qu'à l'heure du danger, ils passent toujours du côté de la réaction. Et de fait, l'ensemble des mesures prises à ce moment-là serviront également à museler la gauche pour le reste des années qui suivront. Et on se retrouve en fait dans une situation assez intéressante où toutes les forces politiques regardent vers leur droite. C'est-à-dire qu'on a un parti communiste français qui regarde vers la SFIO pour contrer la menace du coup d'État. La SFIO qui, elle, regarde vers De Gaulle pour contrer la menace du coup d'État. Et De Gaulle, en fait, qui tire les ficelles directement du coup d'État. Également, une grande partie de la gauche modérée soutient aussi plus ou moins officiellement De Gaulle, en faisant le calcul que c'est soit la guerre civile et la menace d'un mouvement révolutionnaire en France, soit De Gaulle, une chance de rétablir l'ordre et de faire la paix en Algérie. Les partis bourgeois, de leur côté, qui sont en principe unis devant la menace fasciste de cette insurrection, sont en réalité incapables de proposer la moindre alternative à la situation. Le PCF appelle à l'organisation de fronts républicains contre la réaction. Mais au final, cette politique de front pour la défense de la République se révèle complètement abstraite et correspond en réalité à une mise à la remorque du PCF derrière la SFIO et les partis bourgeois. Le mot d'ordre de défense républicaine va également démoraliser une grande partie de sa base et créer des dissensions en interne. À ce propos, un jeune militant communiste de Toulouse, de l'UEC, l'Union des étudiants communistes, résume bien ce déboussolement un peu d'une partie des bases du PCF en déclarant « On ne mobilise pas le prolétariat pour sauver un régime bourgeois qui s'est couvert de sang. Défendre la République sans oser parler de Front populaire, c'était défendre le passé, les guerres coloniales, les bas salaires, la répression. » En réalité, pendant toute cette période, le PCF va multiplier les déclarations sur la gravité de la menace fasciste que représente la réaction et les mouvements insurrectionnels. Mais en réalité, toute sa politique va se caractériser par un ensemble de renoncements. Et au final, son opposition à l'investiture de De Gaulle se résumera à une opposition purement dans les urnes. Ce qu'aurait dû faire une organisation comme le PCF à cette époque-là, c'était de mobiliser directement dans la rue contre la menace de coup d'État. Tandis qu'en France, c'est le chaos politique, en Algérie, l'armée, elle, continue de progresser et finit de militariser intégralement l'administration. Les généraux remplacent progressivement les préfets. Le 29 mai, De Gaulle est finalement investi, ce qui met fin à l'insurrection de l'armée. Et un régime bonapartiste va se mettre en place. C'est-à-dire un régime dans lequel l'équilibre des classes permet à l'appareil... Un régime dans lequel l'équilibre entre les classes permet à l'appareil de l'État, à la police et à l'armée, de s'assurer directement le pouvoir de façon indépendante des politiciens et de la bourgeoisie. Et de fait, durant cette période, c'est l'armée derrière De Gaulle et les services secrets qui tireront les ficelles. On a par exemple l'exemple notamment du service d'action civique, qui est une organisation créée pour défendre les idées et les idées du général De Gaulle, pour en faire la promotion, mais qui en réalité est une véritable police parallèle qui va même mener des actions de mercenariat, tabasser des manifestants, etc. Cependant, De Gaulle ne liquidera pas l'ensemble des droits démocratiques, ni ne s'attaquera aux grandes conquêtes de la classe ouvrière, et ça pour de multiples raisons, notamment parce qu'il bénéficie d'un contexte économique plus tard qui lui sera favorable et qui lui évitera d'attaquer directement la classe ouvrière. De Gaulle arrive dans un climat extrêmement tendu. Il est appuyé directement par l'armée et par les colons pour assurer le maintien de l'Algérie française. Mais même De Gaulle se rend compte rapidement que c'est impossible de gagner cette guerre. Et pour plusieurs raisons, la guérilla est vaincue, des indépendantistes, mais elle se reconstitue en permanence. La population algérienne, radicalisée par la répression, soutient le FLN massivement. De toute façon, De Gaulle ne croit même pas au mythe de l'assimilation de l'Algérie et n'en veut pas. Enfin, la bourgeoisie est divisée. Une bourgeoisie métropolitaine qui veut en finir au final avec un gouffre financier que représente cette guerre et se concentrer sur la modernisation du capitalisme français. Et de l'autre côté, une bourgeoisie coloniale pied noir qui dépend intégralement de l'aide économique de la métropole et qui est opposée à toute évolution du statu quo. Enfin, en France, la population n'en peut plus. Majoritairement, il y a l'idée que les jeunes français vont mourir pour une guerre inutile et pour une sale guerre. La torture est dénoncée massivement par toute la classe, par tous les intellectuels, et elle scandalise profondément l'opinion. Tout ça conduit De Gaulle à chercher une solution négociée. Donc, au début, son fameux « Je vous ai compris » adressé en 1958 à Alger, qui représentait un appui en fait aux colons, est vite remplacé à partir de 1959 par une orientation pro-autodétermination qui va créer une hostilité de la part des colons. En février 1960, on a une crise des barricades où la petite bourgeoisie blanche tente de refaire le coup de mai 1958, sauf que cette fois, l'armée ne suit pas. Et pour voir un peu, c'est aussi important de voir un peu l'état même d'esprit après de la classe ouvrière en Algérie blanche, sans perspective au final, sans direction, elle finit globalement par succomber au chauvinisme ambiant et par soutenir passivement en fait. Les actions de la petite, les actions des soutiens de l'Algérie française. Globalement, à partir du moment où De Gaulle s'oriente vers l'autodétermination, c'est vécu par ses soutiens, par les partisans de l'Algérie française, mais également par l'armée, comme une trahison en fait directe du général De Gaulle. L'armée notamment s'estime trahie depuis la défaite face à l'Allemagne, trahie particulièrement au cours du conflit par l'Indochine. Elle s'estime trahie au final par le mouvement communiste de l'arrière, par une classe politique incompétente, etc. Cet état d'esprit de l'armée va conduire à une nouvelle tentative de putsch en avril 1961, où quelques généraux essaient en fait de faire de prendre le pouvoir en métropole, ce qui se conduira par un échec direct. On a également à cette époque-là la création de l'OAS, face à l'échec de ce coup d'État, l'organisation de l'armée secrète qui regroupe des militaires putschistes, des pro-Algérie française, différents membres de l'extrême droite, mais aussi des criminels, qui vont commettre en fait des attentats contre le pouvoir gaulliste, tant en Algérie qu'en France. On estime qu'il y aura à peu près 3000 attentats durant cette période commis par l'OAS. En Algérie, on compte jusqu'à une trentaine d'attentats par jour. Pareil, moi je ferai 45 du coup. Pareil, la population européenne, si elle ne soutient pas directement l'OAS, le soutient au moins passivement, déboussolée par l'absence de toute direction. La guerre, du coup, là, à ce moment-là, rentre dans sa phase terminale et la violence d'État s'intensifie cruellement. La répression est particulièrement forte contre ceux qui soutiennent, ceux qui sont partisans de l'Algérie indépendante. La répression est par contre beaucoup plus timorée contre la violence de l'extrême droite des partisans de l'Algérie française, dont l'OAS. À l'automne 1961, on a plusieurs actes de répression extrêmement sauvages par la police. En septembre-octobre, plus d'une centaine d'Algériens seront tués dans la région parisienne dans des opérations de terreur et de représailles collectives. Dans la nuit du 17 octobre, la police attaque une marche pacifique pour l'indépendance, interdite en raison du couvre-feu qui frappe à cette période les Français d'origine musulmane. La police tire sur les manifestants, on torture et on noie les prisonniers. La répression fait à peu près entre 150 à 200 morts et fait des milliers de blessés. On compte des centaines de morts qui flottent dans la Seine. Il n'y aura jamais une seule condamnation de ces actes. En fait, on assiste directement à l'importation de pratiques de répression coloniale importées directement sur le territoire métropolitain. Le 7 février 1962 a lieu un nouvel attentat qui va marquer profondément l'opinion, un attentat contre Malraux, qui est alors ministre de la Culture. Une petite fille est touchée aux yeux, l'affaire choque profondément. Le PSF appelle à manifester avec l'UNEF. La SFIO, elle refuse. D'ailleurs, tout le long, en fait, elle refusera toute collaboration avec le PSF, alors que le PSF va chercher en permanence la collaboration, par contre, avec la SFIO. Au cours de cette manif, la répression est également extrêmement forte. Et le 8 a lieu le tristement célèbre métro Charonne, où des centaines de manifestants sont poussés dans une cage bouche de métro. On comptera 8 morts étouffés dans cette cage de métro, tous militants CGT, et dont 7 sur les 8 étaient également militants du Parti communiste français. L'affaire du métro Charonne n'est clairement pas un accident, une bavure, mais l'aboutissement en fait direct de décisions stratégiques et politiques mises en place par le pouvoir gaulliste. Et l'objectif en fait de cette répression qui se déchaîne contre la gauche, c'est de garder en fait l'armée sous contrôle, vu qu'elle a toujours traversé par des remous contre le pouvoir de Gaulle, et donc de lui donner des gages pour contrebalancer l'abandon progressif de l'Algérie française. C'est notamment important pour le régime gaulliste de garder l'armée sous contrôle pour lutter contre l'OAS et ses sympathies dans l'armée. Au final, le pouvoir gaulliste va utiliser une rhétorique qui met dos à dos l'OAS et le PCF. De Gaulle va se présenter un peu comme la figure du sauveur entre la menace d'un côté d'une extrême droite, avec l'OAS et les partisans de l'Algérie française, et de l'autre, la menace communiste, la menace du Parti communiste français. Au final, la France finira par capituler face au FLN, mais le pouvoir gaulliste tournera ça comme une concession et non comme une défaite. Le 18 mars 1962 ont lieu la signature des accords d'Évian qui marquent l'indépendance de l'Algérie. Ces accords seront d'ailleurs acceptés par 91% des Français. De Gaulle va tirer bénéfice de la paix et il fait de cette capitulation au final une victoire qui l'a permise directement. Et au final, toute sa rhétorique, ça va être de transformer son retour au pouvoir, qui est mené en fait sous la menace d'un coup d'État organisé de connivence avec lui et coordonné directement par ses plus proches associés. Il va transformer ça en fait en la mise en échec d'une entreprise de subversion militaire. En Algérie, Ben Bella, l'un des fondateurs du FLN, va prendre la tête du pays et concentrer dans ses mains tous les pouvoirs en s'appuyant directement sur l'armée. Il va lancer une réforme agraire et mener des politiques de nationalisation massive. Il va avoir également l'appui de l'URSS, qui envoie des conseillers, mais également de Cuba qui va envoyer des médecins. Mais en définitive, l'Algérie devient progressivement un régime bonapartiste pro-soviétique, ce qui est particulièrement clair avec la prise du pouvoir par le colonel Houari Boumediene. Boumediene qui était l'un des ministres de Ben Bella, donc il va renverser Ben Bella en juin 65, donc très peu de temps après l'indépendance du pays. Ce coup d'État mené par Boumediene, également appuyé par le ministre des Affaires étrangères, un certain Bouteflika, qui va toujours rester dans l'ombre du régime et finalement prendre le pouvoir en 1999 et y rester jusqu'à maintenant, plus concrètement jusqu'à avril de cette année, où il va être chassé par le mouvement toujours en cours depuis 10 mois du peuple algérien. En définitive, la révolution algérienne est détournée par le nationalisme bourgeois. Et bientôt 60 ans après l'indépendance, aucun des problèmes qui se posaient en 62 n'a véritablement été réglé. Ce qui découle directement du fait que la guerre d'indépendance n'a pas abouti à la victoire du socialisme. En fait, après la défaite de la France, l'absence en Algérie d'une direction révolutionnaire, la trahison du peuple algérien par le Parti communiste français a conduit à un arrêt de la révolution à mi-chemin. La caste militaire à la tête de l'armée dite de l'extérieur, c'est-à-dire tous les expatriés d'Algérie, puisque le FLN bénéficiait d'une solide base en France, avec notamment des vagues de migration des cadres du FLN, mais également de nombreux travailleurs, puisque paradoxalement, on est dans une situation où la France mène une guerre en Algérie, mais où de nombreux Algériens vont venir travailler en France, puisque le capitalisme français en a besoin pour se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Du coup, c'est une caste militaire va combler en fait le vide laissé par l'effondrement de la puissance coloniale et le départ des 1 million de colons européens qui fuient l'Algérie. Et elle va progressivement concentrer peu à peu tous les leviers du pouvoir économique et politique entre ses mains. Au final, l'absence de rupture définitive avec le capitalisme fait que l'Algérie n'a pas pu se soustraire à l'écrasante supériorité économique des pays impérialistes. Elle a fini par subir le même sort que les autres pays ex-coloniaux qui forment aujourd'hui autant de zones d'influence des grandes puissances mondiales. En réalité, malgré l'indépendance nominale de l'Algérie comme du Maroc, et comme d'ailleurs tous les pays africains d'Afrique, ces pays sont toujours en fait sous le joug économique des grandes puissances impérialistes. Les banques, les institutions internationales, les entreprises multinationales arment et soutiennent directement les différentes cliques corrompues au pouvoir de ces pays. Et en réalité, la mainmise étrangère sur les ressources naturelles, les terres et l'appareil productif de ces régions n'a jamais disparu. Aujourd'hui, le peuple algérien se trouve de nouveau à la croisée des chemins. On a un mouvement qui maintenant dure depuis 10 mois, un mouvement extrêmement important, un mouvement qui est seul au final capable de permettre l'émancipation du peuple algérien, de la caste actuellement au pouvoir et de l'impérialisme. Le seul moyen, au final, d'arriver à cette émancipation, c'est par le prolongement de ce processus révolutionnaire qui a lieu actuellement.